en ouverture The Night Flight Orchestra et son deuxième album Skyline Whispers qui a été réédité sur le label Nuclear Blast en 2018 et le morceau I Ain't Old, I Ain't Young sur lequel, sur cet album, le groupe suédois de Björn Spitstrid et David Anderson à l'époque avait véritablement trouvé son son et sa patte. Ils ont ensuite enchaîné les albums tous vraiment super cool les uns que les autres et ils nous sortent maintenant un nouveau single. Bien entendu, David Anderson n'est plus là parmi le groupe, il est malheureusement tristement disparu, décédé en septembre 2022, mais le groupe continue bien entendu avec encore une fois pas mal de bonne musique. Voilà, dans Overdrive on aura une interview ce soir de OSM et pour l'heure on se passe un petit peu de hard rock américain avec LA Guns. LA Guns, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du Guns de Guns N' Roses avec le Tracy Guns et Phil Lewis également. Ils nous sortent cet album Black Diamond sur le label Frontiers Records qui se veut, suivant les critiques que j'ai pu lire, un des meilleurs albums de la formation américaine. On s'envoie ça tout de suite à juger sur place avec Shattered Glass. Vous venez d'entendre, bien entendu, LA Guns, Shattered Glass, et on s'envoie ça tout de suite avec maintenant quelque chose de plus hardcore et le groupe Rise of the North Star qui nous donne maintenant sa dernière mandale en date. Ça sort aujourd'hui même avec Showdown sur le label Atomic Fire Music, les anciens de Nuclear Blast. Et bien entendu, ça fait encore tout un tas de raffus, toujours influencés par la scène crossover, des influences thrash, des influences même qui tirent sur le néo-metal, d'autres beaucoup plus hardcore pour Rise of the North Star, un univers bien entendu bien à eux. Voilà qui nous fait encore une fois vraiment secouer la tête et taper du pied. Rise of the North Star Showdown tout de suite. Black, black, Rise of the North Star avec son dernier album Showdown qui voit le jour aujourd'hui même du côté de Atomic Fire Music ce soir dans Overdrive. J'ai l'honneur et la chance de vous présenter ce groupe OSM qui nous vient de l'ouest de la France et qui nous présentera son deuxième EP intitulé Plagued by Doubt. J'ai la chance d'avoir Léo, chanteur de la formation. Est-ce que tu nous entends bien? Ouais, salut. Eh ben, écoute, merci à toi pour le coup de fil. En tout cas, ravi de présenter ta musique ce soir. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas OSM, pour vous présenter rapidement, nous sommes face à un métal assez moderne, avec des influences qui se veulent à la fois progressives et également assez extrêmes. Donc, on peut osciller entre des groupes aussi divers et variés que Mastodon, Gojira ou alors OPEF. Est-ce que pour toi c'est un tiercé, une formule que tu verrais appliquée à ton groupe? Oui, c'est fait partie effectivement des influences principales du groupe. Ouais, c'est vrai qu'on a été pas mal penché sur la musique progressive sans en être vraiment, en fait, hein, c'est-à-dire que on aime bien la violence de Gojira, par exemple, la diversité des mastodons ou OPES, hein, mais ouais, c'est vrai que ça transpire quand même pas mal, ça, quoi. Eh ben, écoute, encore une fois, chapeau pour le boulot, puisque sur cet album, vous avez une superbe production vraiment dantesque qui n'a pas vraiment à rougir des, on va dire, productions entre guillemets internationales. Et je trouve que ce mot, ceci dit en passant, a de moins en moins de sens, puisque la scène française est de plus en plus, investie et, efficace et redoutable dans sa diversité et sa production. Oui, tout à fait, ouais. On a de très bons groupes, en fait, en France. J'en citerai pas spécialement parce qu'il y en a énormément, en fait, hein, et de plus en plus. Mais oui, c'est vrai que bon, ça fait déjà quelques années qu'on est sur ces styles-là, et puis bon, c'est un peu une niche, hein, c'est-à-dire que bon, on va pas avoir un public très très large à ce niveau-là. Par contre, c'est des publics de fans qui suivent toujours et qui sont toujours super motivés pour nous voir en concert, donc super. Alors, justement, pour parler de cette production, est-ce que tu pourrais revenir sur justement l'enregistrement de cette EP, Plagued by Doubts, EP 6 titres? Donc, on pourrait presque parler d'un album, surtout qu'il y a certains morceaux qui sont relativement longs. On est aux alentours de la grosse demi-heure, quoi. Ouais, c'est ça. L'EP fait 36 minutes et quelques. A priori, et bon, c'est quand même un concept EP qui a été enregistré au studio du Rivo à Saint-Georges-de-Rex, hein, là où j'habite, en fait, avec David, hein, merci David, des studios du Rivo, et qui a été mixé ensuite par Chris Edrich, qui est plutôt pas mal connu dans le milieu aussi, et qui fait un super boulot, hein, franchement, qui nous a fait un super mixage, et le mastering qui a été fait par son collègue, son confrère Pierrick Noël aussi, hein, avec qui il bosse depuis très longtemps. Et ouais, ils nous ont fourni un super taf d'une manière globale, hein, donc on est super content du résultat. Voilà, c'est à la fois mélancolique, calme, triste, etc., mais aussi très violent, puissant et tout. Donc, on a les nuances qui nous faisaient plaisir à la base, quoi, qu'on retrouve dedans. Et puis une production à la fois claire, mais qui n'est pas stérile pour autant. Ouais, c'est ça. Voilà. Nous, on avait envie de garder le côté très organique de la production. Tu disais, ouais, justement, que c'était assez moderne dans l'esprit musical. Au niveau du son, on a gardé quand même cette petite patte un peu old school, quand même, voilà, qui permet de ressentir la vie un petit peu dans la musique. Hein. Je trouve que ça manque un peu sur certaines nouvelles productions. Donc, nous, on se dirigeait plus vers ce côté-là, quoi. Ouais, après, j'imagine que c'est toujours une question de, on va dire, compromis, hein, puisque si on veut vraiment tout entendre et que tout soit recalé à la perfection, au bout d'un moment, il faut peut-être justement faire un choix entre la, la production ultra moderne où justement tout est très très très calé et des choses un peu plus old school où forcément il y a un peu plus de vie et en même temps il y a peut-être un peu plus d'approximation entre guillemets si on peut dire ça. Ouais, et où on entend peut-être un peu moins certains petits coups de batterie ou de guitare ou des respirations de voix ou des choses comme ça quoi. Exactement, ouais. Bah, c'est toujours une question de ratio quoi. On veut produire d'une manière générale avec une vision globale et puis après voilà, il y a certaines choses sur lesquelles on doit faire l'impasse, comme tu dis par exemple, voilà, on peut pas entendre tout exactement pareil au même niveau, voilà. C'est ce qui fait que ça fait vivre la musique et ce qui la rend intéressante à mes yeux aussi, donc je me suis dirigé vachement plus de ce côté-là quoi. Et c'est justement, ça fonctionne bien, comme quoi ça prouve que je pense qu'on a bien fait de se diriger vers là avec Chris et ça a très bien fonctionné quoi. Alors justement le choix de l'EP, est-ce que c'est un peu pour tester la température avant la sortie d'un premier? Est-ce que c'est également peut-être pour avoir, étant donné que j'ai la chance d'avoir pas mal de groupes français en interview au sein d'Overdrive tous les vendredis soirs. C'est un format que l'on retrouve de plus en plus et qui permet à des formations d'avoir, on va dire, un rythme de sortie un peu plus soutenu plutôt qu'un long album de 10, 12, 14 titres où peut-être que l'avant-dernière plage va pas avoir le même impact que la première ou la deuxième. Donc les groupes de nos jours semblent privilégier des formats un peu plus courts pour s'adapter au marché également du streaming, des playlists et des choses comme ça, et d'avoir un peu plus, on va dire, des sorties qui ne sont pas trop éloignées les unes des autres. Oui, exactement, ça fait partie d'une stratégie aussi, effectivement. Mais ça permet aussi autre chose, c'est que c'est beaucoup plus possible de faire quelque chose de cohérent sur peu de titres plutôt qu'une... qu'un album avec, comme tu disais, une douzaine de titres. Là, en fait, je sais que moi, ça a été une grosse étape sur la composition où j'ai passé, une bonne année, en fait, à digérer un petit peu tout ça, et j'ai fait une sorte de concept EP avec des titres qui sont plus ou moins cohérents entre eux. Et c'est très introspectif, c'est très moi dans ma tête, en fait, mais... Mais voilà, ça m'a permis en fait sur 5-6 titres de pouvoir évacuer un petit peu tout ça artistiquement et je trouve que c'est une formule qui est plutôt pas mal, ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous éclairer maintenant sur le titre, enfin plutôt le nom du groupe OSM, bien entendu, c'est les initiales de trois mots, mais lesquels? Alors, à la base, c'est Over, Strange et Mood. Donc, basé sur l'humeur. On était parti sur une idée que justement la musique serait nuancée, qu'elle changerait d'humeur justement, et c'est ce qui essaye de transpirer un petit peu dans la musique que vous écouterez dans Black Bite Out, hein, justement, où ça va être très violent mais très calme, très posé, très mélodique, et ça repartira de plus belle. Enfin voilà, c'est des changements d'humeur qui se retrouvent dans la musique en fait. Donc un certain côté schizophrénique, presque. Ouais, voilà. Rien de nouveau dans ces styles-là, mais c'est vrai que y a beaucoup de groupes qui jouent beaucoup là-dessus, notamment Hypnose, avec qui on a pu partager une date, où c'est très très calme, mais à un point où vraiment presque on a l'impression que tout s'arrête, quoi. Mais après, voilà, c'est la branlée, on s'en prend plein la gueule pendant les trois prochaines minutes, et voilà. Enfin, c'est un aspect qu'on a beaucoup aimé, en fait, développer là-dessus. Et justement, alors, tu nous en as parlé à demi-mot, mais quel est ce concept derrière cette EP? D'une manière générale, c'est une sorte de constat amer du monde qui nous entoure, de l'époque qu'on vit ensemble en ce moment. Ça fait déjà plusieurs années où ça commençait à trotter dans ma tête. Et voilà, il a fallu poser ça, l'écrire, le composer, et faire en sorte que la musique puisse transpirer ces choses-là, en fait. Voilà, donc c'est beaucoup de questionnements sur ce qui se passe en ce moment, sur ce monde qui en veut toujours plus. C'est-à-dire que le premier titre, Plagued by Doubts, parle du fait que principalement on est tous rongés par le doute sur ou les doutes sur tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on fait les choses comme il faut, etc. C'est quelque chose de ça n'a rien de moralisateur si vous voulez, mais c'est plus un ouais voilà le constat de ce qui se passe, de ce qu'on subit un petit peu tous ensemble en ce moment. Et pour toi le doute, ça peut pas avoir quelque chose de positif? Ah bah si bien sûr. Si j'ai quelqu'un qui doute pas ne se remettra peut-être pas en question par exemple quoi. Donc oui, c'est toujours positif d'une certaine manière. Mais voilà, disons que les trois premiers titres de l'EP vont parler justement de ce constat. Et les trois d'après parlent plutôt de l'état dans lequel que ça m'a mis vers ce constat en fait. Donc c'est très très psychologique, on va dire, sur les trois derniers titres. Ouais. Est-ce que c'est des bien entendu des morceaux qui ont été composés pendant les confinements? J'imagine que c'est cette question de doute. Justement, c'est ça qui est tristement drôle, mais ça a été composé avant. Et c'est un petit peu le confinement, ça a été un peu le coup de massue, qui m'a permis de développer un petit peu plus facilement en fait les thèmes. C'est-à-dire que voilà, les thèmes étaient déjà préparés, mais voilà, ça a consolidé certaines bases sur l'écriture, quoi, qui ont été assez sympas en fait, justement à ce moment-là. Comme si ça m'a donné un peu de matière gratuite, en fait, à digérer, quoi. Bah, j'imagine bien. Alors, on va peut-être passer un premier titre pour ce soir, avec le morceau titre qui ouvre cette EP, Plagued by Doubt. Donc là, bien sûr, tu es revenu d'un point de vue des paroles dessus. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu plus sur la musique et qui est à l'origine de la compo? Est-ce que c'est les guitaristes qui apportent, le guitariste qui apporte les riffs? Comment ça marche? Je compose l'intégralité en fait des morceaux que vous écouterez sur l'album. D'accord, et de l'arrangement, voilà. Les paroles, j'écris les paroles. Ensuite, on réarrange entre nous les morceaux et voilà. Après, on fait notre sauce pour que ça sonne en live, quoi. Faut que ça sonne brutal, quoi. Quand il faut. Et, voilà. En plus de ton travail de chanteur, est-ce que tu joues, est-ce que tu es aussi instrumentiste? Oui, tout à fait. Je fais de la guitare dans le groupe. Donc, on a deux guitaristes. Hein. Donc, Dame, que je salue, qui fait la guitare solo. On a Marco qui nous fait la basse. Et Elliot, la batterie. Eh ben, écoute, moi je te propose d'envoyer ça tout de suite avec Plagued by Doubt maintenant. Avec plaisir. Eh ben, on s'envoie ça tout de suite avec la petite intro de piano qui n'annonce pas vraiment le déluge sonore qu'on va se prendre sur la courge ensuite. Ah oui, il y a une petite intro quand même, mais après ça part. Donc, deuxième EP de OSM, Plagued by Doubt, qui verra le jour le 28 avril prochain sur la Clonosphère. Voilà. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre OSM Plagued by Doubts, cette EP verra le jour le 28 avril prochain du côté de la Clonosphère. Voilà pour les amateurs de métal à la fois moderne, progressif et qui n'a pas peur de différentes étiquettes. Une excellente production française qui n'a pas à rougir de quelques, on va dire, côté groupe français. Alors, bien entendu, vous avez prévu de fêter, on va dire, la sortie de ce nouvel EP, j'ai envie de dire album, puisqu'il dure presque, il dure plus longtemps que le Reign in Blood de Slayer, par exemple. D'accord, ouais. Et voilà, mais qui reste un album culte, bien entendu. Et, et voilà, donc j'imagine que vous avez eu l'idée de fêter ça dignement, puisque c'est pas tous les jours qu'on sort un nouvel album, un nouveau disque. Voilà, alors comment ça va se passer? Eh bien, on va faire une release party le 28 avril à la Locomotive à Poitiers, avec en première partie le groupe Uncut, que j'invite aussi à voir parce que ça vaut le coup. Et donc là, on va dévoiler le EP dans son intégralité, c'est-à-dire qu'on va le jouer du début à la fin, voilà, tel qu'il est sur le CD et sur le streaming. D'accord, du début à la fin, avec également peut-être des extraits du premier EP que vous aviez sorti il y a quelques années. Eh bien malheureusement non. Cet EP, on ne le rejoue plus du tout. On est vraiment passé à ce nouveau style. Enfin, cet ancien EP, c'était un petit peu une jonction de recherche de style. On ne savait pas trop exactement où on allait. Et celui-ci, maintenant, Plagued by Doubts, c'est beaucoup plus abouti sur le style qu'on veut délivrer, quoi. Donc pour toi, il s'agit un petit peu de la première vraie livraison du groupe. Ouais, voilà, c'est vrai. On peut tout à fait le dire comme ça. Ouais. C'est un petit peu comme les albums de Pantera avant Cowboys for Males, ouais, que voilà. Le groupe a ensuite essayé de cacher aussi bien. S'ils avaient pu casser les CD et les disques, même ils l'auraient fait, à mon avis. on aime bien cet opus précédent quand même, hein, ça n'empêche pas, mais c'est vrai que niveau composition, recherche de style, on balbutie encore un petit peu trop pour délivrer quelque chose de bien, quoi. Et là, le Plagued by Doubts, je pense qu'il va plaire quand même à beaucoup plus de monde, et j'espère. Et donc là, le prochain titre que vous écouterez, qui est complètement dans un autre mood, mais qui est toujours cohérent avec le Plagued by Doubts que vous avez écouté à l'instant, en fait. Oui, bien entendu. Même si on sait que lorsqu'on écoute ce genre de musique-là, on s'attend, si tu veux, à voir à la fois les ambiances un peu ambient, justement, et puis les parties extrêmes, les parties un peu plus techniques également, puisque malgré tout, il y en a quand même pas mal sur l'album, je sais pas vous. Et voilà. Alors, un point sur lequel j'aimerais revenir également, c'est les quelques tremplins auxquels vous avez participé et qui vous ont aidé à démarrer un petit peu votre carrière. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu le palmarès, entre guillemets? Oui, on a fait différents tremplins, dont un qu'on a, remporté pour le Halloween Fest qui se trouvait à Saintes, en fait, à l'époque. Voilà, où justement on était un groupe plutôt typé, on va dire stoner metal, mais plutôt stoner, donc avec plein de groupes de metal autour de nous, c'était un petit peu compliqué de faire notre place, mais bon, a priori c'est quelque chose qui a pu. Ça nous a permis d'ouvrir pour le Halloween Fest de cette année-là. Et ensuite on a fait aussi un tremplin qui se trouvait à La Rochelle. Arsène Lupin qui organisait ça, et en fait on a eu le prix du public parce qu'a priori c'était un style auquel il s'attendait pas et qui a quand même bien plu sur le moment, quoi. Voilà. Après on a eu d'autres groupes avant, en fait, ce groupe là OSM, hein, dont un groupe qui s'appelait Psygoria, où on a gagné aussi plusieurs tremplins interlycées à l'époque, voilà, C'était la fin d'adolescence, on va dire. Et justement, est-ce que ces tremplins vous ont aidé justement à vous faire connaître, à gagner en popularité, à ouais, avoir un peu de rayonnement d'une certaine façon, et aussi pour vous à savoir un peu ce qui marche auprès du public et à justement ce qu'on essaye tous de faire, c'est-à-dire à accéder à votre propre identité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est compliqué, par exemple, dans le métal, c'est quand on va faire une date devant des personnes qui n'ont pas trop connaissance de ces styles-là ou quoi que ce soit, et qui vont quand même aimer ce qu'on fait comme musique. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Ça nous a donné envie d'aller un petit peu plus loin dans ce style-là. Et puis, oui, on a quand même eu des propositions pour jouer dans des lieux, justement, grâce à ces tremplins. Juste après, ouais, ça a débloqué quand même pas mal de choses. Donc on a fait, à peu près une trentaine de concerts par an pendant 3-4 ans à suivre, quoi. Donc, on a pu participer à un échange, en fait, entre la ville de Poitiers, Northampton et Marbourg. Donc, Northampton en Angleterre et Marbourg, en Allemagne. Et c'est un échange justement entre les trois communes. Et en fait, ça a plu apparemment pour le public de Northampton et Marbourg. Ils nous ont invités là-bas, donc on a pu montrer notre musique un petit peu en dehors des frontières. Et bon, ça a été plutôt bien accueilli, donc on était très contents. Alors, j'ai pas de doute pour l'Angleterre, puisque je sais que les Anglais sont assez friands de la musique que vous faites. Qu'en est-il de l'Allemagne? Puisque le métal, si tu veux, allemand, je l'imagine beaucoup plus traditionnel, entre guillemets. Même s'il peut être très bon. Hein. Eh bien, je sais qu'on avait joué avec un groupe, justement, qui est un groupe allemand qui était encore plus proc que nous. Donc, justement, c'était un petit peu bizarre de se retrouver à une soirée avec eux. Et... Le public allemand aime tout à fait ce style de métal, et les groupes qu'on a rencontrés là-bas on a rencontré des groupes qui étaient pas trop loin de nos styles aussi, quoi. Donc y a pas de souci à ce niveau-là. Alors maintenant, je te propose de commencer à discuter du deuxième morceau qu'on va passer, qui sera la troisième plage de l'EP avec Why Always More. Alors déjà, le titre, il est assez évocateur. Pourquoi toujours plus? Pourquoi toujours plus? Alors qu'est-ce que c'est? C'est dans l'idée de la surconsommation. C'est quelque chose de très global. C'est-à-dire qu'en fait, ça parle de ça, de ce besoin viscéral qu'on a tous d'en vouloir toujours plus. Comme tu dis, la surconsommation, évidemment. Le fait qu'on va piller tout et n'importe quoi juste pour en vouloir plus, voilà. Enfin, ça parle même des relations humaines, on en veut toujours plus. Je sais pas, les tromperies ou autres qu'on peut se faire les uns les autres, etc., pour en vouloir plus. Enfin, c'est quelque chose d'assez global qu'on retrouve assez souvent, malheureusement, aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'est extériorisé de cette manière-là, en fait. Et toujours sous la forme d'une question. Ouais. Voilà. Alors maintenant, dernière question pour ce soir avant de lancer la musique. Qu'est-ce qu'il en est des futures compositions de OSM? Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que, justement, en attendant la sortie de l'album, vous avez commencé et continué à composer? Qu'est-ce qu'il en est? Oui, tout à fait. Là, j'ai deux titres là qui sont dans les tubes, on va dire, et qui sont quasiment finis. Je pense que le prochain sera quand même un petit peu plus brutal que celui-ci. Parce que Play Bad Out, c'est quand même relativement lourd comme EP. Le prochain sera sûrement un peu plus haut au niveau du tempo, on va dire. Ouais, plus rapide, plus de morceaux directs, peut-être. Exactement. Ouais. Donc là, deux titres en préparation. Il n'y a pas de prévision de concept pour ce prochain pour l'instant. Ça viendra peut-être après, mais pour l'instant, voilà. Mais je pense qu'on va commencer à les jouer entre nous très rapidement là pour enchaîner sur la suite, quoi. Et comment est-ce que tu commences? Est-ce que tu commences par des maquettes que tu fais tout seul et que tu envoies aux autres? Ouais, c'est ce qui se passe en général. Je pars d'un riff de guitare bien conséquent, et puis après je tourne autour, j'enregistre beaucoup d'essais, et après je réarrange toutes ces parties-là que j'envoie aux autres. Voilà, et puis en attendant leurs avis, après on corrige ce qui va plus ou moins bien, on va dire, quoi. Et une fois en répétition, vous mettez ça tous ensemble. Exactement. Histoire de, justement, mettre un peu, chacun puisse mettre un petit peu son grain de sel à l'histoire. Exactement. Voilà. Et donc, ça se passe plutôt bien parce qu'à chaque fois, chacun apporte la petite sauce qui manquait justement pour que ça marche bien. Et je pense que les prochains titres, justement, on va mettre le paquet là-dessus sur ce tempo qui va être un petit peu plus haut et un peu plus de brutalité, je pense. Donc on va presque tirer sur le death metal pur. Ouais, bah c'est bien de là, hein, clairement. Le groupe que j'avais avant, c'était du death metal, limite brutal death metal. Donc oui, il y a des petites couleurs qui reviennent de temps en temps, de toute façon. Bah écoute, ça sera sympa. En tout cas, dans Overdrive, on sera là pour en parler. Why Always More, extrait de cette EP Plagued by Doubt, donc à venir dans quelques semaines dans toutes les bonnes crèmeries, qu'elles soient digitales ou bien physiques, et puis également sur directement sur la Clonosphère. J'imagine que vous êtes aussi sur Bandcamp. Et donc, Why Always More, extrait de cette EP. On en a pour son argent, puisque sur ce mini-album, on a quand même 6 titres pour plus de 36 minutes de musique. En tout cas, Léo, merci à toi. Chapeau pour le boulot et à toute l'équipe. On espère vous voir en concert du côté de Saint-Étienne ou Lyon dans les prochaines... dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Jetez-vous sur cette EP et vraiment essayez d'y jeter une oreille pour vous prouver une fois de plus que la scène française regorge d'excellentes pépites. Voilà, on enchaîne, on envoie la musique. Et encore une fois, merci à toi. Merci Overdrive, merci Radio Dio. Bonne soirée. We'll be right back. Encore une fois, merci à Léo pour l'interview. Jetez-vous sur l'EP de OSM, Plagued by Doubts, ça verra le jour d'ici quelques semaines dans Overdrive. Voilà, il est temps maintenant de passer à Scar Symmetry et son album Dark The Matter Dimensions, sorti sur le label Nuclear Blast en 2009. Le groupe nous a pas sorti beaucoup de musique ces 10 dernières années. Le guitariste Per Nelson était occupé à dépanner Meshuga pendant quelques temps, mais ils reviennent aux affaires. Ils nous ont annoncé un nouvel album. Premier morceau est déjà été paru, il est disponible bien entendu sur la grosse crèmerie de vidéos sur internet. Et on s'écoute, nous, non pas sur internet, mais sur la bonne vieille radio FM, ce Numeon and Phenomenon par Scar Symmetry, extrait cet album Dark Matter Dimension. Tout de suite, vous écoutez toujours Overdrive. Cause it's a mind. So, that's where it is. Venez d'entendre Asylum Pyre avec son dernier album, excellent dernier album. Les critiques vraiment sont très très bonnes pour ce dernier album. Call Me Inhuman et le morceau The True Crown, I Seek Your War. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo pour la maintenant du métal mélodique. on va dire, power metal, mais qui ne se veut pas cliché, qui ne se veut pas, on va dire, rébarbatif ou tout simplement poussif. Beaucoup de créativité, de bonnes mélodies, une très bonne production. Voilà ce que demande le peuple, bien entendu. On va continuer maintenant avec ce nouveau projet qui nous sort cet album. Underneath the Sound, Drop Dead Chaos. Cette réunion de musiciens français qui est née bien entendu lors du premier confinement, collectif de musiciens issus de la scène rock. On retrouve bien entendu des musiciens à la fois de Betraying the Martyrs, Black Bomb Ace, Machit Combos, Nils Kubaron de Sirenia, Renato Trebellion et également des musiciens de Wolven Est. On retrouve bien entendu gros son made in France, très influencé par la scène du métal alternatif des années 90 et 2000, même si le propos ne se veut pas passéiste pour un sou. On écoute tout de suite le morceau Escape. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Audio, il est 22h passé 38 minutes. I cold. I feel the rough under you. They're pushing hard, so fucking hard. My fucking God, I'm about to break the fucking night. I gotta fight for my people. Give me all that I wanna fight my head. Fighting away, losing my mind. In this world Yes, vous venez d'entendre Rage Behind avec son dernier album Hourglass and Revenge, sorti sur Atomic Fire Music. Là aussi, assez alternatif, des influences hardcore, d'autres un peu plus thrash metal. Et on continue encore une fois avec métal français et le groupe Carcarias Afterworld, sorti il y a de ça tout juste un mois. L'album tourne plutôt pas mal d'influences prog. On sent que le groupe français a voulu aller un peu plus loin dans sa musique, et on s'en va tout de suite le morceau Afterworld. Ce sera le morceau Angst, tout de suite sur Radio Duo. Carcarias. Anymore. Hey, Yes, long morceau pour Carcarias maintenant. Et on va quasiment se quitter avec Ne Obliviscaris et cet excellent groupe de metal, on va dire, assez extrême, mais progressif. Extreme, sorti sur Season of Mist. Là aussi, une belle leçon qui nous fait voyager dans plein d'ambiances différentes. Tout ce que j'aime, et vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Il est 22h, passé de presque 55 minutes.